l'anarchie, c'est vachement plus l'ordre de Nexno. C'est clair. Radio. Ne cherchez plus, c'est 90.7. C'est la saga. ...328 éditions de la saga des Fab Four et un faux départ, un problème technique que j'ai réussi à résoudre en m'acharnant parce que je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça, je ne peux pas repartir à la maison sans avoir fait mon émission. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc ça y est, c'est parti. L'émission forcément ne se prolongera pas au-delà de 22h si Eric est là. Et on a déjà 9 minutes de retard. Désolé, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence très très mal, je ne suis pas de très bonne humeur, je l'avoue. Mais on va faire avec. Vous êtes là de toute façon sur Facebook, sur le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com, dans la partie La Saga des Fab Four. Et aussi, je le sais, sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà, l'album de la semaine, je vais essayer de me reprendre, c'est l'album Living in a Material World de George Harrison en 1973. On écoutera Give Me Love, J'en ai bien besoin, Give Me Peace on Earth. Également Sue Me, Sue You Blues. Il y aura The Light That Has Lighted the World, Don't Let Me Wait Too Long, Who Can See It et Try Some By Some en fin d'émission pour cet album de la semaine. Il y aura également du McCartney avec Hit at Home sur Ram en 1971. George Harrison, non, plutôt John Lennon, se contentera d'un well, well, well, well, well, well, well, well. Non, trois fois déjà, c'est bien. Well, well, well, sur l'album Plastic Ono Band en 1970. Toujours l'amour, mais de manière un peu triste, Ringo Starr nous chantera Love Don't Last Long. L'amour, ça dure pas longtemps. Sur l'album Bocoups of Blues en 70 aussi. Et pour les Beatles, il y aura une dédicace à une copine de boulot qui m'a dit « Ah, oh, j'aimerais bien entendre ça !» Et comme elle est très sympathique, il n'y a pas de problème. Je lui ai programmé une chanson des Beatles et je lui dédicacerai. Ce sera tout à l'heure. Allez, on va commencer tout de suite sur Give Me Love parce qu'on a suffisamment pris de retard. Give Me Love, Give Me Peace on Earth, c'est George Harrison sur RIG. Give me hope, help me cope with this. à la maison en 1971 sur l'album Ram, Monsieur Paul McCartney. Jean-Philippe et tout le monde d'ailleurs voulaient qu'on ait une petite pensée pour Yoko Ono. Oui, pour une fois j'en parle parce qu'elle serait plutôt entre la vie et la mort actuellement et elle est âgée, hein, et ce sont des choses qui arrivent. Et même si je n'aime pas l'artiste, j'ai du respect pour la femme, la dame, celle qui a inspiré John Lennon. Donc on a une pensée pour Yoko Ono et pour elle, on lui souhaite d'aller mieux, si c'est possible, et je lui propose cette chanson Well, Well, Well, qui n'a pas vraiment de rapport, mais c'est John Lennon qui le chantait en 1970. Well, well, well. Oh, well. Well, well.

Beatles à l'instant sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 328. Nous venons de parler des Beatles, donc nous sommes obligés de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, donc les Beatles, les carrières séparées des Beatles, si vous voulez tout savoir sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les albums qui pourraient sortir de ces quatre amis, ou alors même des copains, genre Eric Clapton ou d'autres, des copains des quatre Fab Four, eh bien, vous le saurez en allant sur BeatlesMagazineUK.com. Vous pouvez savoir tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes également. Donc merci Lovely Rita et merci Beatles Magazine. Ça c'est l'album de la semaine. L'album de la semaine c'est Living in a Material World de George Harrison en 73. Et ce titre, Sue Me, Sue You Blues, le blues du « Je te poursuis, tu me poursuis ». C'est au sujet évidemment de la bataille des Beatles. Jallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des femmes fortes. You tell lies thinking I can see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down. When you know I'm down, how can you laugh? When you know I'm down, man buys ring, woman throws it away. Same old thing happen every day. I'm down, I'm really down. I'm down, down on the ground. I'm down, I'm really down. How can you laugh when you know I'm down? How can you laugh when you know I'm down? Par deux fois, d'abord en 1964, Long Tall Sally, puis un an plus tard, en 1965, I'm Down. Les deux ont cette caractéristique d'être chantés par le mélodiste, celui dont on disait lui c'est la guimauve et puis John Lennon c'est le rocker. Ah bah non, là sur ce coup-là, c'est Paul McCartney le rocker qui sort et puis John Lennon a su faire de la guimauve aussi sur certaines chansons. C'est ça qui était marrant avec les Beatles, c'est que on peut dire tout et le contraire systématiquement parce qu'ils brouillent les cartes, ils aiment changer sans arrêt et surtout de toute façon avec un talent absolument extraordinaire. On va remonter les années, nous passons de 1965 à 1989 avec un album qui va ressortir là en fin du mois et je vous assure que je suis impatient, je l'attends. L'album c'est Flowers in the Dirt. Je vous propose un extrait de cette ressortie de l'album puisqu'il ressort en version remasterisée avec des bonus. Voici un des bonus, la démo de That Day Is Done avec Elvis Costello. C'est sur RIG en exclusivité pour la saga des Fab Four. Oh, c'est plus calme. I feel such sorrow, I feel such shame. I know I won't arrive on time. I said I won't give up. was a closet she slipped up. I wish that I could interrupt. I made no sign, I made no sound. I know I must stay underground. That day is done. That day is done. You know where I've gone. I won't be coming back. That day is done. That's where she walks, or so they say. She always knew just what I needed. Now if she would just look my proceed, she sprinkles flowers in the dirt. That's when a thrill becomes a hurt. I know I never see her face. She walks away from a resting place. That day is done. You know where I've gone. I won't be coming back. That day is done. That day is done. That day. That Day Is Done en version épurée, en version acoustique, et avec un piano aussi, il me semble. Et c'est très bien. Elvis Costello et Paul McCartney ensemble. Paul McCartney qui ne tarissait pas d'éloge sur Elvis à cette époque-là, en disant qu'il avait retrouvé un petit peu le style de complicité qu'il avait avec John Lennon. C'est-à-dire que lui avançait une idée et puis Elvis avançait le contraire, ou un truc bien, bien méchant exprès pour contrebalancer le côté gentil de Paul McCartney. C'était sympa et ça a donné un très bon album, un excellent retour de Paul McCartney en fin 89, lui qui l'avait bien démarré au début des années 80 et qui avait eu un petit creux comme tous ceux qui avaient démarré dans les années 60 au milieu des années 80. Voilà, Paul McCartney est toujours là et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voici John Lennon en 1970 sur Plastic Ono Band et cette belle chanson, Amour, c'est le titre du morceau, Love, sur RG. Real. Sir, l'album de la semaine, George Harrison, Living in a Material World, et ce titre, The Light That Has Lighted the World, sur RIG. What I was, how it really is a shame. The thoughts in the head manifest on the brow like bad scars from ill feeling. They themselves arouse. So Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. I'm alone. parlé tout à l'heure du Paul Rocker et on a eu le droit juste avant Lady Madonna à Ringo Rocker avec ce titre Matchbox en 1964. Quelle belle année que cette année 1964. On va retrouver Monsieur McCartney si vous le voulez bien et vous n'avez pas le choix puisque c'est moi qui dirige l'émission et qui connaît tous les titres, vous ne le savez pas, avec un morceau de 1993 qui va plaire à la belle Julie si elle écoute aujourd'hui. C'est Common People sur l'album Off the Ground de Paul McCartney. C'est dans quelques instants. Yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the sky. People are ready to forgive a few mistakes, but let's get started for the party. Don't you know how long it takes? We've got a few arrêter là. Je sais qu'il y a autre chose derrière, mais on est en retard. Donc, on va écouter Ringo Starr. Oh, je fais des rimes sans le faire exprès. En 1974, et cette très belle chanson que je passe rarement et que je devrais passer plus souvent. Easy for me sur RIG. Nobody loved her. It was easy to see. That made it easy for me. The boys never fought over her company. That made it easy for me. Love so bright could only blind us. How could reason hope to find us hiding in the Milky Way without a star to shine the way? Fell from the tears in our eyes. That made it easier to see. Now the dream's over and I realize that makes it easier for me. Je sais que vous, les fidèles de la saga des Fab Four, maintenant, si toutefois vous le disiez avant, vous ne direz plus « Bon, Ringo Starr, il n'a pas fait de superbes chansons, est-ce qu'il a chanté au moins après les Beatles ?» Non, maintenant, vous savez que non seulement il a chanté, mais qu'il a également fait de belles chansons, comme celle-ci, par exemple, « Easy for Me » en 1974, sur l'album « Goodnight Vienna ». Retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est toujours « Living in a Material World » de George Harrison. Et cette chanson enjouée, « Ne me fais pas attendre trop longtemps parce que je t'aime », c'est « Don't let me wait too long » sur RIG. I'm not afraid to Nous avons rattrapé le temps perdu, puisque c'est à ce moment-là à peu près de l'émission que je vous propose la cover de l'émission. La cover de l'émission, c'est une chanson chantée à l'origine en principe par John, Paul, Ringo ou George, qu'il soit en Beatles ou en Fab Four, période séparée, et reprise par quelqu'un de connu ou pas, ça peut être vous. Vous qui pouvez très bien être connu. Je ne sais pas qui écoute la radio. Enfin, si, j'en connais quelques-uns, mais tout le monde n'intervient pas. Je veux bien le concevoir sans problème. Donc peut-être que quelqu'un de connu reprend une chanson des Beatles ou des Fab Four. Et voilà, même si c'est eux-mêmes, les Beatles, qui reprennent une chanson, par exemple, de Chuck Berry, ça devient une cover. Voici la cover, justement. Un des pères, P-A-I-R-S, des Beatles, c'est Little Richard qui nous chante Long Tall Sally sur R.I.G. Ce morceau, est-ce que je l'ai noté ? Il date de 1956 et en face B, il y avait Slippin' and Sliding qui a été repris plus tard par John Lennon en 75. Change it if it would change. Ballad of John and Yoko, sorti en 1969 et enregistré à deux seulement, John et Paul, qui font toutes les voix, ça c'est déjà arrivé, mais aussi tous les instruments à deux. Pourquoi ? Parce que George était parti en vacances et Ringo était parti, lui, pour tourner un film. Je crois que c'est Magic Christian, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc, voilà, ils se sont dit, allez, on y va, on y fait. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte son mariage en omettant quelques détails et surtout, il remet une couche 3 ans après. En 1966, John Lennon dit, on est plus célèbre que le Christ, et en 1969, il dit « De la façon dont vont les choses, ils vont me crucifier. » Il ne perdit jamais une seconde pour faire... Oh, c'était l'ancêtre du buzz, quoi, quelque part. C'était histoire d'être provocant, provocateur. Il savait faire, John Lennon. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. 4 garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr. Et c'est sur RIG. Et ce titre de Paul McCartney, A Love For You, sur RIG. Rolling, turns Pendant longtemps, ce morceau était un inédit, et puis McCartney l'a rajouté sur le remaster de l'album Ram, qui est sorti il y a quelques temps. Et sinon, il date des sessions de l'album London Town, si vous voulez tout savoir. Voilà, et vous savez tout grâce à la saga des Fab Four. Voici l'album de la semaine, une fois de plus, nous en sommes déjà à l'avant-dernier morceau, qu'est-ce que ça passe vite. Et c'est un George Harrison qui dit que son amour appartient à la personne qui arrive à voir qu'il envoie de l'amour. Ben c'est pareil pour moi. Who can see it sur RIG. Through those past years, n'a pas chipoté, il dit juste le titre. Donc c'est un instrumental. C'est Ringo Starr et ses potes en 1983 sur l'album Old Wave, Vieille Vague. Le pauvre. Non, c'était bien, c'était Ringo Starr. Et là, ce sont les Beatles, Get Back sur RIG. Le disque et qu'est-ce qu'on obtient? Don't Let Me Down sur RIG. Don't let me down. Like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's that she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Voulait pas que Yoko le laisse tomber. Et il avait raison, après tout, parce que c'était sa muse. Et Don't Let Me Down, c'est une très très belle chanson de Monsieur John Lennon. Voici une chanson, enfin un instrumental, je crois, me souvenir, de Paul McCartney. C'était lors d'un show télé. Il parlait d'une peinture. Il voyait les deux doigts du peintre et il s'est amusé, c'est ça, Paul McCartney, à se dire deux doigts. Est-ce que je suis capable de composer une musique avec deux doigts ? That's how it goes anyway. Allez, une dernière fois l'album de la semaine, Try Some, Buy Some sur RG. version plus hargneuse de I'm Losing You. Non, pas plus hargneuse, différente. Mais c'est John Lennon qui chante. Que vous retrouvez sur l'album Lennon Anthology ou sur l'album qui résume tout ça, qui s'appelle Once Upon a Time, sorti en 1998. Allez, on a encore le temps d'écouter deux morceaux, on va vite passer aux Beatles, sur l'anthologie également Highlights en 2010. Voici If You've Got Trouble sur RG. Especially when you're down in love. c'est aussi fait partie des chansons que vous auriez pu rater si les Beatles ne l'avaient pas ressortie au moment des anthologies, parce qu'elle a été enregistrée dans les années 60 et puis elle était passée à l'as parce que jugée pas suffisamment, ou peut-être d'une chanson en trop. Déjà, ils mettaient 13 chansons par album, hein, les gars, hein, donc c'est déjà pas mal. Et comme ils en composaient encore plus, eh bien, et on disait, ils disaient à l'époque, on le mettra sur l'album d'après. Et puis en fait, sur l'album d'après, ils arrivaient avec encore d'autres chansons et ça passait à l'as. Voilà l'histoire de ces chansons-là, et c'est une belle chanson chantée par Ringo. Longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-là. C'est la dernière chanson de la saga des Fab Four, Everybody Out There, sur RG. Que s'achève cette édition de la saga des Fab Four. C'était la 328e. Je vous laisse en compagnie des bras musclés de Eric pour Johnny de A à Z. Ça va être génial, je le sais, j'en suis sûr. Je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, je ne serai pas là pour des raisons personnelles. Je ne vous donne probablement pas, mais on se tient au courant, rendez-vous la semaine d'après. Oui, pendant 15 jours, pas de saga. Dommage, désolé. Eh oui, mais là j'ai des obligations obligatoires, on va dire. Voilà, je vous fais des grosses bises, je vous dis à très bientôt, salut.